à Death, Néochrome, chasse à l'or. Perdu dans mon monde, là où les mecs parlent, là où les frères partent, où les putes veulent te voir à terre et t'aides pas. Entouré de bâtards, le ghetto y plaide pas. Chacun pour sa gueule, tout le monde a nos vignettes là. Là où les mecs parlent, là où les frères partent, où les putes veulent te voir à terre et t'aides pas. Entouré de bâtards, le ghetto y plaide pas. Chacun pour sa gueule, tout le monde a nos vignettes là. Moi je suis un tas de tes potes, veulent baiser ta go. Tes frères prennent de la drogue et c'est pire qu'un coup de couteau. Ça fait connerie, les petits pédés, les mecs qui parlent de trop. Moi je suis né dans un wagon qui m'a ramené sur un bateau où les types parlent, les tirent pas si personne leur dit pas. Boum, petit bye bye, on finit terre pas. Moi j'ai la réalité, man, pas d'égalité. Dans le ghetto, c'est full cas, celui qui t'aime pas. Goulka, consacré, bras, petit bouge pas, touche pas, bam, bam. Ça fait mal une touche, car touche-toi, nasme, tous de la même place. Rien à foutre, si ça casse, nique ta mère, il faut qu'on te couche, toi. Attends, attends. On est méchant. On vise la tête et pas les gens, vous les gens. On est méchant. On est méchant. On est méchant. On vise la tête et pas les gens, vous les gens. Je pense à mon siècle, j'ai juste à voir ta tête. Cousin, faut bien que tu payes tes dettes. Tout le monde a compris que t'étais dette. C'était peut-être fait une bite dans la neuse ou dans la tête. Là, je vois que ça pète et c'est parfait. Me dis pas que tu souhaites faire un featuring. Ton disque d'or, je m'en bats les couilles. Cousin, t'étais une victime à Fleury. Ne parle pas de mon pote dans tes coupés. Si t'es deux zigotes au bout, je vais te les allumer à coups de fusil. Je t'explique, là j'ai la tête. Quelle équipe qui c'est la bête? C'est le type, ça adresse sur le titre. Tout sur un guest, ton équipe. Ma veste, elle est pure. Mon jazz, il est clean. Personne n'est mou. Clic, clic, bandou. Vas-y sur du guindou. Petite pipe au bandou. Je fais, dis-moi, tu viens d'où? Moi, c'est brasse des fêtes. On casse des têtes. On brasse des têtes. On garou. Le monde part au coude. Entre meurtres, viols, joie, la guerre et les petits clashs des doutes. Messieurs, le diable est parmi nous. Il sourit à la plupart et c'est nos âmes qui s'émouvent. Part au coude. Entre meurtres, viols, joie, la guerre et les petits clashs des doutes. Messieurs, le diable est parmi nous. Il sourit à la plupart, c'est nos âmes qui s'y trouvent. Comme à l'époque des barbares, on repart à la bataille. Chargez les flèches, on fera bientôt la guerre à la racaille. J'te parle des flics, des juges, des baveux, des balances et des indiques dans les blocs au bagaille. Jeunesse africaine qui tremble à bas. Africaine, une innocente, jamais il tombe ce bâtard. Le ministre avec la pute, une histoire classée, ce sera marre ou soulimé. S'il vous plaît, montez dans le car, je ne. Elle n'approchait pas ma vie, elle est destinée à Ludovic. Paul ou Jean-Marie, on est accro. Des mecs comme Jackson, Belmondo, scatophile ou pédophile. Y'a Ben Laden, il arrive et le pape. Je sais que c'est con, mais il a cané qui a raison. Les juifs ou les musulmans n'étaient pas nés. Isaac ou Ismaël, fils d'Abraham, tous les deux. Personne n'a compris, personne n'a gagné. Laissez-moi brûler le mic, monsieur. Sourire avec pas de dangereux. Prouvez à tout le monde que je suis présent et faire kiffer même mes plus envieux. Laissez-moi brûler le mic, monsieur. Sourire à mes potes les plus dangereux. Prouvez à tout le monde que je suis présent et faire kiffer même mes plus envieux. Essaye pas de tester ceux qui font de même. Le rap français, je l'ai blessé, laissé à des kilomètres. Je suis le boss de mon art, un gosse de la rue métissé. Un mec qui a des couilles comme Payman. Ne me zappasse dans les mécènes, car je veux de l'or. T'as pas compris, c'est que t'es en retard, même avec la DSL. Moi, je calcule dans les putes qui veulent mon disque d'or. En espérant me dépasser sur la scène. Viens pour casser tout, embrassez-vous. Rien à foutre, je fous la merde, même mon bat, j'ai vous. Encore un son à faire tourner sur la nocturne. N'oublie pas que les gars, à la base, c'est nous. Sif comme mes types, man. J'ai comme mes chiffres, man. On vit à place, nous. C'est le paradis de Girondin. Entre cadavres et cartaves. Bienvenue dans ma ruelle. Si personne parle, na, faut pas que tu chirgames. J'ai grandi entre les bombes et les bombastiques. Et les types qui sont du star sont encore d'élastiques. De la pute grave de cailloux. Des petits aux gros voyous, mal. En deux secondes, t'es dans la malle. L'histoire est classique. Pain, pain. Quand t'es touché, y'a homicide. Des petits dingues, mais chez nous, quand t'es touché, y'a homicide. Pas très, c'est pas mal. 75-019, chacun son frein, son équipe. Toujours les mêmes qui font boucher une danse macabre. C'est pas tout le monde qui s'assoit à ma table. C'est repenti, c'est fini. J'ai pas encore sorti ma part. Cool, que des big boom, des big boom, des fat boom. part du scroll, du mauvais œil du prol. Du respect pour nos potes aux yeux maquillés de crawl. Je représente la Tunisie, l'Algérie en force. La France, j'ai pissé dessus. Cousine, bienvenue dans ma zone. Entre Doumam, c'est Mohamed. Bram, c'est moi-même. Y'a aucune différence, y'en a qui clame, c'est un mot à peine. La lame au cou, une arme dans mes couilles. Du shit dans mes tours, rien à foutre. Chez nous c'est pas les putes qu'on écoute. 200 litres qu'on écoule, crois pas qu'on écoute. La con dans les poutres et nique la bague qu'on tire dans les boules. Demande au coup ce qui est véridique, instinct criminel. A cause des dettes, c'est juridique, plante à l'opinel. Je vais faire sauter les phases, ça va mettre un bazar. Yo, yo, chasse à l'or, mixtape, pain, pain, le gros, génie, pain, pain. Qui frappe bien, tu sais la pique, moi j'ai le style canon. Si, si, si.